Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Sophie Laforêt, bonjour. Bon matin, messieurs. Et bon matin, Sophie. En forme ce matin? Toujours en forme. Attends demain, annonce la neige, la pluie. Ah, mais moi, j'aime ça la neige. Je l'ai dit l'autre fois, j'attends la première neige impatiemment. Je fais de la planche en neige, donc moi, plus vite qu'il y a de la neige. Ah, mieux c'est. Sophie, semblerait-il que tu nous parles de Brou ce matin? Eh oui, je vous parle de cette pièce de théâtre historique. On peut l'appeler comme ça, parce que maintenant, elle a passé à Absolument. L'histoire. Donc, pour faire un bref historique avant d'en venir à la critique, donc c'est une pièce qui a vu le jour le 21 mars 1979. Et au départ, les comédiens derrière cette pièce, soit, je vais vous les nommer, même si elle est historique quand même, Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier. Donc, au départ, leur but, c'était de faire rouler cette pièce-là durant 3 semaines. Et là, hein, c'est... Wow! C'est réussi, hein, on peut dire. Donc, finalement, ce qui est arrivé pour la première séquence où ils ont produit la pièce... C'est que ça a duré elle devait durer 3 semaines, mais ça a duré un mois. Alors, les comédiens étaient vraiment contents, se disant, on a relevé notre défi de 3 semaines, ça a duré un mois. Et là, ils ont eu des demandes qui se sont greffées suite aux critiques et suite à la popularité. Et comme on le sait, aujourd'hui, ça fait, je pense qu'ils fêtent leurs 30 ans bientôt, donc en 2009. De 3 semaines, c'est transformé en 30 ans. Oui, ils ont fêté leurs 30 ans, dans le fond, le 21 mars 2009. Et donc, c'est ça. Et ce que j'ai appris en consultant leur site Internet, soit le brou.ca, c'est qu'ils détiennent... Moi, je savais, dans le fond, que c'était historique, puis c'était un record, le fait qu'ils aient fait la pièce depuis autant d'années. Mais ils détiennent vraiment le record mondial de longévité pour la pièce de théâtre qui a, dans le fond, duré le plus longtemps avec la même distribution. Donc, ouais, ils sont vraiment dans le livre des comédiens. Records. Oui, ouais, c'est les trois mêmes comédiens depuis le début. Oui, parce que Sylvain, on va en venir tout de suite. Dans le fond, c'est que Sylvain, toi, t'as déjà vu cette pièce-là oui, aussi. Oui, il y a une quinzaine d'années, ouais, je suis allé voir. J'ai ri, c'est pas croyable. Ben, c'est sûr que c'est vraiment des gars de taverne. Hein? Fait que c'est toutes des histoires loufoques qui peuvent s'être passées dans une taverne. Moi, j'ai adoré cette pièce-là. Dans un reportage, j'avais vu qu'au début, quand ils ont débuté, ils prenaient vraiment de la bière, les trois comédiens. Ils ont dû réajuster le tir, justement, avec la popularité de la pièce. C'est que là, les gars prenaient de la bière un petit peu trop régulièrement. Fait que c'est... Ce qui faisait qu'ils décrochaient aussi sous les effets de l'alcool. Là, ça se peut que le texte était modifié peut-être à ils l'occasion. Ils improvisaient un peu plus, je pense, parce que moi, ce que j'ai vu... en fait, ça, moi, je les ai vus jeudi dernier à la salle Roland Brunel de Joliette. Okay. Puis non, il me semblait pas que c'était de la vraie bière. Non, puis, c'est rendu de l'eau, oui. Oui, puis du début à la fin, ils étaient en tout cas dans le même état. Là. Je veux dire, j'ai pas vu de perte de contrôle ou quoi que ce soit. Puis moi, je suis allée avec mes parents qui l'avaient vu eux aussi il y a 25 ans. Puis là, moi, c'est sûr que, bon, j'étais un peu sceptique face à cette pièce-là. Pas sceptique face à la pièce, mais je me disais, tu sais, pour, mettons, plus ma génération, ou bon, je sais pas, moi, les 18, 25, 30 ans, est-ce que ça nous interpellerait autant, tu sais, qu'à l'époque? C'est sûr qu'on fait des allusions au fait là, que historiquement, dans le fond, la fermeture des tavernes où les femmes ont pu finalement entrer dans les tavernes. Donc, il y a comme un petit repère historique. Puis mes parents, ce qu'ils me disaient, c'est que quand ils ont vu la pièce, c'était vraiment en train de se faire là, la disparition des tavernes avec les femmes qui rentraient, dans le fond, dans ces lieux qui étaient réservés aux hommes. Réservés aux hommes, oui. Puis pour en venir, c'est ça comme dans le même sens que toi. Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai quand même, je veux dire, j'ai ri, puis tout ça. Comment je pourrais dire? Moi, le seul hic, finalement, je trouvais que c'était le coût versus la pièce, finalement. Parce que je pense qu'il y a eu, justement, une grosse couverture médiatique par rapport au record. Okay. C'est une excellente pièce. Là. J'adore les comédiens, c'était vraiment très drôle. Mais moi, ça m'a quand même coûté 60 $ mon billet pour aller voir cette pièce-là. La pièce dure 2h15, donc une première partie de 75 minutes, une deuxième de 60 minutes. Tu sais, je vous dirais seulement que pour les étudiants, c'est pas évident peut-être de mettre 60 $ sur cette pièce-là. Ah non, c'est certain. Oui, c'est ça. C'est un coût qui est assez élevé, oui. Mais je conseillerais quand même aux gens de le demander peut-être en cadeau de Noël ou si vous avez la chance d'y aller par peu importe l'occasion ou si vraiment vous avez les sous pour le faire. Moi, je vous conseille fortement. Je pense que c'est une pièce à voir. C'est pas pour rien qu'elle a duré aussi longtemps. Puis à ce jour, ils mettent leur site Internet constamment à jour. Il y a 3 43 578 spectateurs qui ont vu la pièce. Hey, c'est quelque chose, hein? Et moi, jeudi dernier, j'ai assisté à la 2912e. Ah oui, 2912e. Exactement. Avant chaque spectacle, il mentionne « Vous allez assister à la, par exemple, 2912e représentation de Brou. » là, tu te sens quand même important. À un moment donné, dans ton siège, tu te dis, je vais assister à quelque chose d'historique. Ça veut dire que c'est ça spécial. Fait 2912 fois que la pièce Brou est jouée, puis je ne l'ai pas encore vue. Puis dire qu'ils ont, comme Sophie mentionnait, quand ils ont débuté ce projet-là, c'était pour faire une présentation qui durait 3 semaines. On est rendu à 2900 quelques présentations. Oui, c'est vraiment impressionnant. Puis au début aussi, ils demandent aux gens qui la voient pour la première fois, qui la voient pour la deuxième. Oui, ça, pour j'ai trouvé ça drôle. La troisième ça. Fois et plus. Puis on est surpris de voir qu'il y en a qui lèvent la main à troisième fois et plus. Oui. Là, je sais pas si les billets ont toujours été à 60 $, mais je dirais qu'il faut avoir aimé la pièce pour venir la voir trois ou même plusieurs fois. Là. On le dira pas en nombre, mais les gens qui sont fiers de lever leur main pour dire que ça fait trois fois et plus, ils ont une belle réponse qui les attend là, de... Ouais, de ouais, l'équipe de Bobo. Oui, exactement. Puis bon, donc pour conclure, donc vraiment, si vous avez aimé l'humour de Michel Côté dans Cruising Bar et celui de Marc Messier dans La Petite Vie, par exemple, c'est sûr que vous allez vous tordre de rire, vous allez aimer parce que c'est vraiment de ce côté-là que les comédiens jouent. Puis sinon, ils jouent beaucoup avec les silences, les tournures de phrases un peu. Ils commencent une phrase, puis finalement, en ajoutant un mot ou une fin de phrase, ça change tout le sens. Donc c'est un peu cet humour-là qui n'est pas nécessairement absurde, mais plutôt imprévisible. Puis sinon, là, je vais vraiment d'une critique très personnelle, pas par rapport à la pièce, mais il y a eu deux hics. Tantôt, j'ai parlé du prix, donc, qui est peut-être un premier obstacle à la pièce. Puis le deuxième s'adresse tout simplement à diverses personnes. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à aller voir une pièce de théâtre quand les gens, quand les spectateurs agissent comme s'ils étaient devant leur téléviseur. Ah oui, ça... J'étais là, moi en plus, j'ai pas la langue dans ma poche, mais je me suis retenue ce soir-là pour pas interpeller des personnes qui étaient en arrière de moi. Des gens qui vont dire les gags à l'avance, ça me tue. Puis des gens qui vont commenter. Ah, mon père aussi, il dit ça. Ou ah, moi, quand j'étais allée à la taverne, moi aussi. Tu sais, pendant la pièce. C'est ça. Ça, là, ça me tue. Mais c'était une critique totalement indépendante de la pièce que j'ai bien aimée. Alors voilà. C'est bien. J'y retourne en passant voir Brou. Hein. J'ai décidé de me lancer dans une deuxième. Là. Fait que j'y vais, c'est d'ici 2 à 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Là. Faut le J'ai les dates, justement, à Trois-Rivières. Si jamais il reste des billets, je ne suis pas sûre. Probablement que c'est complet. D'habitude, ça affiche complet assez rapidement. C'est ça qui est surprenant. Après 30 ans, ils sortent un calendrier de pièces, calendrier de dates où ils vont présenter la pièce. Puis bang, bang, bang, ça se règle comme tout de suite. Les billets se vendent, puis c'est... Moi, j'avais mis billet 8 mois à l'avance. Donc, probablement que c'est complet, mais si jamais vous voulez jeter un œil, le 24, 25 et 26 novembre, ils seront à la salle J. Thompson de Trois-Rivières. Bien, merci de me rappeler les dates, parce que ça fait à peu près ça, 6-7 mois qu'on a acheté les billets. Puis, je me souvenais pas c'était quand. C'est chic. Il n'y a pas de revendeur de billets. On avait de la salle Thompson. Bien, Marc, je pourrais te vendre le mien 200. Puis, j'ai pas de honte. Mais Marc, tu devrais sérieusement songer à aller les voir avant que ça se termine parce que j'imagine qu'ils ne joueront probablement pas pendant 50 ans. On peut penser que... Oui, je sais. Oui, parce que les comédiens vieillissent, veut pas. Là. Il y a de l'âge qui s'adonne nos compteurs, hein, Marc, comme tu me disais tantôt. On vieillit, ça la fait, neige. Ouais, ça fait quasiment 2202 fois que je ne suis pas in. 912 fois. 912 fois que je ne suis pas in. Ben, oui, je sais pas pourquoi, je pense pas. Je vois les pubs, tout ça. Puis, Inscris ça à ton agenda pour te trouver des billets de Brou. Là. Sinon, meilleure place que l'agenda, dans le front. Ils vont sûrement revenir à Trois-Rivières dans 2 ans. Si la tendance se maintient, là, ils font le tour du Québec peut-être. Ouais, c'est à peu près ça, oui. 2-3 ans. OK. Ça complète ce matin? Oui, c'est complet. Bonjour, M. Blais. Debout, là! Il est 7 h, c'est l'heure de prendre votre pilule! Oh boy, ouais, c'est bien vrai, ça. Oubliez de prendre ma pilule du lendemain, ma merveilleuse pilule. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. 2 heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de Cifou. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7 h à 9 h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La pilule du lendemain, c'est l'ultime remède.